débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Ce soir, on va s'éclater. Je vous ai mitonné une émission de ouf. On débutera cette émission avec AC/DC et Got Some Rock'n'Roll Thunder. C'est sur le Record Bust, sorti en 2014. C'est le 16e album studio du groupe australien et ils ont fêté leurs 40 ans de carrière. On retrouve sur cet album Record Bust, Playball, Dogs of War, entre autres. Je diffuserai ensuite Man No Sober de Steel Pulse. C'est sur True Democracy, paru en 1982, réédité et enrichi de 4 titres dub en 1995. On peut entendre Chant Up Psalm, Find It Quick, Lego Beats et In Your House notamment. On poursuivra avec Charge 69 et Bankster, c'est sur l'album Résistance Électrique sorti en 2011. On peut entendre Légitime Vengeance, Crépuscule des Damnés, Corps et Âme et Le Paradis des Vendus entre autres. Un magnifique album. On s'écoutera ensuite de Barbès à Belleville, groupe parisien formé en 1983. C'est tiré du maxi 45 tours, c'est bien parti pour pas s'arranger. Sorti en 1988 et réédité en CD en 1992. On retrouve Jour de chance, Allez danser. Enfants à problème et banlieue sont uniquement sur la version CD. Et on finira ce bloc en live avec les Clash et le classique London Calling en live à Paris en 1980. Down to a major town. Je sais, je suis un arnaqueur. Vous êtes toujours dans cette 18e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On continuera cette belle soirée avec Chaos Urbano et le titre Esto Saldrá Bien. C'est une cover du groupe Cicatrice, c'est sur l'album Rescredos y Races. On retrouve Don DeVille, Oi Oi Oi Oi, entre autres. Je diffuserai ensuite le grand classique de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, partie 2 du cultissime The Wall. Il vient d'être réédité en version triple CD. Déjà, c'est un double album, si vous vous rappelez, et donc sur ce fameux troisième CD, contient différentes prises de son et des fins alternatives effectuées durant l'enregistrement de l'album en 1978. Tiens, j'ai une exclue. Je vous diffuserai le dernier single de Gutter Demons de Montréal. C'est Invaders. J'attends leur album afin de vous les faire découvrir. Moi, j'aime déjà, on en reparlera, c'est sûr. Si on se faisait un vieux reggae, eh ben Jacob Miller et Big Stripe. C'est sur l'album Killer Miller, sorti en 1978. Ça deviendra son surnom à Jacob Killer Miller. On peut entendre I Shall Be Realized, Shaky Girl, City of Wickart et plein d'autres. Un super album et on finira ce bloc en live avec les Vampas et l'Aquarium Tactile du Live à la Cigale en 2003.

they're trying to trim off the dreadlocks. Sergeant, inspector, commissioner, and corporal too. Vous écoutez toujours la Vampire Freaks numéro 18 sur votre radio favorite. Ce soir, j'ai envie de gros sons live. On commencera ce bloc avec Black Dog de Led Zeppelin en live à Paris en 1970. Puisqu'on sera dans du son culte, je diffuserai Blue Oyster Cult et Transmania Con MC. C'est sur le premier album des Blue Oyster Cult qui s'appelle simplement Blue Oyster Cult et qui est sorti en 1972. On peut entendre Starway to the Star, Redeemed et plein d'autres. La semaine dernière, j'ai diffusé le premier single Doubt Zone, le dernier album de Darkoustics. Ce soir, on exclut le deuxième single, c'est Dance in Peace. Doubt Zone est sorti pour Halloween. Allez sur la page de Facebook de Darkoustics. Il a un lecteur Bandcamp et d'ici quelques semaines, il sera sur toutes les plateformes légales. C'est en train de devenir mon album préféré de Darkoustics. Bis à toi en Suisse. Je vous emmènerai à Draguignan avec les copains de GRM et leur titre. Et nous, on est où ? C'est aussi le titre de l'album sorti l'année dernière. On retrouve Rock Intimity, No Comprendo, Néandertal et plein d'autres. Allez sur la page Facebook de GRM Guitare Rouge Music. Il y a aussi l'intégralité de leur discographie sur les plateformes légales. Ils seront le 14 novembre à Puget-sur-Argens au Ratz, dans le Var. En première partie de Manu ex Dolly, on a commencé ce bloc en live et on finira le bloc en live avec les Ramones et Cretins Hops. C'est sur le It's Alive au Rainbow Theater de Londres en 1977, mais il est sorti en 1979. Il s'agit d'un double vinyle de 28 titres enchaînés les uns à la suite des autres. J'adore. Can't keep our way. Got a flip. Vous êtes toujours dans la Vampire Freaks numéro 18. On poursuivra cette belle soirée en live avec Mass Hysteria et MH2CES en live à Montréal en 1998. On me dit souvent, tu passes pas assez de tes chansons. Alors pour Bruno qui nous écoute à Dourdan et Virginie qui nous écoute à Montpellier, je diffuserai Arrêtons les frais funéraires de Morchaine 43. N'hésitez pas, viens dès me rejoindre sur ma page Facebook Morchaine 43. MORSCHEN 43. MORSCHEN 43. Il y a un lecteur Bandcamp. Quand vous l'ouvrez, vous tombez sur Cause Perdue. Mais j'ai pas fait que ça. Non, non, non. Allez en bas à droite. Il y a un bouton More Realize. Allez-y et découvrez tous mes titres. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager. D'ailleurs, j'ai revu Jeff, mon pote bassiste arrangeur. Il m'a filé des instrus. Bientôt du nouveau Morchaine, je vous tiendrai au courant. J'ai aussi une chaîne de vidéoclips YouTube. C'est Jean-Philippe Marie. Vous pouvez pas la rater. J'ai un chapeau sur la tête. Pareil, viendez, likez et surtout partagez. Vous êtes les bienvenus, la tribu. Je diffuserai ensuite les Prouters et le titre « Patron de tous les pays ». C'est sur l'album « Au nom de la bière, de la pisse et du Saint-Dégueulis ». Ils sont originaires de Massy, au sud de Paris. Et je diffuserai d'autres morceaux, je reparlerai d'eux, c'est sûr. On s'écoutera le grand classique des Stones, « Start Me Up ». Et on finira ce bloc en live avec les Salles Majestés et leur titre « Petit Papa Noël ». C'est pour votre bon esprit. Vu du cosmos, tout Petit message personnel à ces hommes forts que sont les faibles d'esprit. Cette femme-là n'est pas humaine, elle est pleine de hasard. Est-il pour l'homme notre sagesse, qu'un rêve généreux devienne réalité. J'ai rêvé de cette liberté alors que j'étais derrière les barbelés. Je ne suis pas un gouvernant, la vie m'a fait simple témoin de cette barbarie. Rien n'est jamais vraiment acquis, méfiez-vous, la tempête peut vite se lever. Il est temps d'arrêter les frais funéraires, tout homme doit payer son tribut à l'honnêteté si la race humaine veut sortir intacte de tout ce cachet. Manipulée par un téléscandale, cette boîte cercueil en métal, à l'heure actuelle, le boulot et la bourse sont à bout de course. Au rescapé des ténèbres intérieures, un être humain terrifié cherche toujours à tâtons n'importe quelle main amicale. Il est temps d'arrêter les frais funéraires, tout homme doit payer son tribut à l'honnêteté si la race humaine veut sortir intact de tout ce gâchis. Qui trop convoite finit par tout perdre, le retour n'est envisageable, oublions ce monde passable. La police et la justice ont la vertu de ne jamais oublier ni leurs amis ni leurs ennemis, mais j'aimerais que la raison emporte. Il est temps d'arrêter les frais funéraires, tout homme doit payer son tribut à l'honnêteté si la race humaine veut sortir intact de tout ce gâchis. J'aimerais que l'on s'entraide dans ce village planétaire. Quelle patrouille de police, quelle prison fait peur à un homme se sachant déjà condamné à mort. Notre génie créateur est sans limite, je rêve d'une société humaine, mais chaque jour de violence est un obstacle de rancœur et de haine. D'arrêter les frais funéraires, tout homme doit payer son tribut à l'honnêteté si la race humaine veut sortir intact de tout ce cachet. Aujourd'hui j'ai bien peur que le futur finisse d'être enseveli sous des pierres. Il est temps d'arrêter les frais funéraires, tout homme doit payer son tribut à l'honnêteté si la race humaine veut sortir intact de tout ce gâchis. Aujourd'hui j'ai bien peur que le futur finisse d'être enseveli sous des pierres. Tous les Après ça, si vous croyez au Père Noël, chapeau ! Il y a quelque temps, je vous ai parlé de Fil Rouge. J'ai enfin du son et du live en plus. Je voulais vous les présenter. Ils sont originaires de l'Essonne et jouent du très bon blues rock, plus rock que blues quand même. Ils font des compos et des reprises, notamment de Bijou et de Paul Persson. Ce soir, je diffuserai une compo, Cœur de béton. Ils font plein de concerts et même des soirées privées. Allez faire un tour sur la page Facebook de Fil Rouge, ils seront ravis. Bientôt, j'aurai du son studio et vous pourrez encore mieux apprécier ce groupe talentueux. J'ai envie de son cul ce soir. Je vous passerai l'entêtant Aqualung de Jethro Tull. C'est sur l'album du même nom, sorti en 1971. C'est le quatrième album studio du groupe et c'est un énorme succès. Aqualung, en fait, ça désigne une invention du commandant Cousteau en 1945. Le scaphandre autonome qui est si pratique quand on fait de la plongée sous-marine avec les bouteilles. On ira faire un tour en Jamaïque avec Bob Marley de Wailer et Easy Skanking. C'est sur l'album Kaya, sorti en 1978. Il a été violemment critiqué en Jamaïque, cet album, car il est plus mielleux et commercial que le précédent Exodus, qui était beaucoup plus militant, alors que la tension est à son paroxysme en Jamaïque à ce moment-là. On retrouve Is This Love, Running Away, Sun Is Shining notamment. J'ai envie de douceur un peu. J'ai Aurélie qui m'a demandé Nora Nour, Forget What I Said. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une certaine parité dans les titres anglophones et français que je diffuse. Et je me suis aperçu qu'il y a très peu de femmes en fait que je diffuse. Alors si vous avez du Warlock, dont la chanteuse est Doro, et du Running Away, la chanteuse c'est Lita Ford, envoyez-moi du son sur la page Facebook Vampire Freaks, l'émission radio. Je diffuserai avec plaisir. Merci d'avance. On a commencé ce bloc en live, alors on le finira en live avec les Apaches et le titre Olaf en live à Paris en 1988. Je reparlerai d'eux aussi. sais pas ce qui est bon. Entre chômeur et délinquant, tu te défends, oui, comme un lion. Œil pour œil et dent pour dent, tu as gravé dans le béton par une marque indélébile d'un coup de griffe de lion, la cicatrice du bidonville. Cœur de béton, laisse ici ta raison. Merci beaucoup. Salvation and a mode that a couple just aren't away uneasy. You poor old sod, you see it's only me. Yeah. banlieue rouge avec mon pote Mala, des arraches moumoutes. Pauvre la foi. Tu veux la guerre, de ma famille et ma guerre. Moi je vais y aller, ma mort ne va pas trouver. Je suis argique aux armes et à la marche à pied. Oula, oula. Mon frère n'est pas revenu, il est mort en combat. Dans une fosse anonyme, maintenant ils reprennent trop. Mon père honte de moi, ma vie tu t'en peux porte. Mais mieux vaut être une ambulance qu'une vierge morte. Oula, oula. Sans des cons, moi aussi maintenant, j'assis sur leur tombe pour venir un peu d'un tout ce qui leur reste. Un bout de cimetière, et c'est terre que j'ai de ce. Voilà, voilà. Adieu, adieu, adieu, adieu. Cette 18e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon, touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Je n'ai jamais eu vraiment l'esprit sportif, mais j'aime le rugby. J'ai suivi nos Bleus ainsi que les autres équipes durant cette dernière Coupe du Monde, qui a été gagnée par les All Blacks. Ils avaient un super générique. Il s'agit de Merci, du groupe Muse, de l'album Drones, sorti cette année. Je vous le diffuserai en guise de générique. Salut à toutes et toutes la tribu, à la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike du groupe Morchaine 43 débarque dans votre salon. Salut. To change the game, I try to